qui mettra les drapeaux en berne. La mort jamais ne nous concerne. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'un porc, qui de nous pleurera sa mort? La mer rongera les madones subsistant de l'ancienne Rome, qui dissipera le brouillard, qui recouvrira ta mémoire. Moi, je n'avais jamais vu Venise, jamais dormi au bord. Mais je sais que cette plage grise avant s'appelait le Lido. Et les mouettes ne sont plus blanches, les pigeons plus de dimanche. Le palais des doges se meurt de tous ces murs suintes des pleurs. Elle s'en va, la grande dame, tout au fil de l'eau de ses larmes. Quelques gondoles égarées essayent de la rattraper. Moi, je n'avais jamais vu Venise, jamais dormi au bord de l'eau. Mais je sais que cette plage grise avant s'appelait le Lido. Mais faudrait pas que ça te gêne si ce n'est pas Paris sur Seine. Faut pas te sentir obligé d'essayer d'être concerné. Bientôt ce sera notre tour, et toutes nos chansons d'amour parleront du monde d'avant. Ça ne sera pas dans très longtemps. Moi, je n'avais jamais vu Venise, jamais dormi au bord de l'eau. Mais je sais que cette plage grise avant s'appelait le Lido. Moi, je n'avais jamais vu Venise, jamais dormi au bord de l'eau. Mais je sais que cette plage grise avant s'appelait le Lido.